Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Il était une fois le roman, une série de Christelle Le Polothèque, réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a Monte Cristo, Cosette et Lantier qui déambulent dans nos têtes et qui d'une manière ou d'une autre se sont frottés à la vérité, au point que désormais on ne jure que par le roman vrai, l'autofiction ou le récit documentaire. Alors pour commencer, les personnages. Des lecteurs de Barthes, un auteur qui pulvérise, une critique perspicace, une chercheuse qui conteste, une éditrice qui trie, une autrice qui raconte une histoire et une autre avec ses contradictions. Ensuite, le décor. Une mort accidentelle, une époque, le méta, le réel, des voix, des mouvements littéraires, la silhouette de Modiano, des points de vue, le témoignage et l'appétit pour la fiction. Aujourd'hui, troisième épisode, on ouvre un livre. La vie n'est pas un roman. C'est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvre. Le plus grand critique littéraire du XXe siècle a toutes les raisons d'être angoissé au dernier degré. Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports très proustiens, et son cours au Collège de France, intitulé « La préparation du roman », s'est soldé par un échec qu'il peut difficilement se dissimuler. Toute l'année, il aura parlé à ses étudiants de haïku japonais, de photographie, de signifiant et de signifié, de divertissement pascalien, de garçon de café, de robe de chambre ou de place dans l'amphi, de tout sauf du roman. Et ça va faire 3 ans que ça dure. Il sait forcément que le cours lui-même n'est qu'une manœuvre dilatoire pour repousser le moment de commencer une œuvre vraiment littéraire, c'est-à-dire qui rende justice à l'écrivain hypersensible qui sommeille en lui et qui, de la vie de tous, a commencé à bourgeonner dans ses fragments d'un discours amoureux. Déjà la Bible des moins de 25 ans. De Sainte-Beuve à Proust, il est temps de muer et de prendre la place qui lui revient au panthéon des écrivains. Maman est morte, depuis le degré zéro de l'écriture, la boucle est bouclée, l'heure est venue. Le retour du réel. Époque, Christelle époque, Le Polothèque et Nathalie Battus. La mort de Roland Barthes, à 64 ans, le célèbre philosophe et essayiste, a été victime d'un accident de voiture. À 17h sur France Inter, vous pourrez entendre la radioscopie réalisée par Jacques Chancène il y a quelques mois. Et puis un mot des départs en vacances. Pour Pâques, on attend 838 000 voitures sur les routes. Les gendarmes se font d'ailleurs des cheveux car ils ont en main les statistiques des accidents de l'année dernière. Les accidents ont augmenté sérieusement. Premier responsable, la vitesse. Archives du XXe siècle, réunies par Jean-José Marchand. Roland Barthes, 1915-1980. Date du tournage, 14 mai 1971. Roland Barthes, chef de file du structuralisme littéraire, a réalisé le premier la fusion de la littérature et de la linguistique. Après le manifeste du degré zéro de l'écriture, 1953, il s'est consacré à la sémiologie. Il a soutenu que le langage est antérieur à l'individu. À partir de l'Empire des signes, 1969, il a adouci sa doctrine en y réintroduisant la notion de plaisir du texte, 1973. Troisième partie. Monsieur Roland Barthes, 10 premières. Époque, époque, époque. Comment dirais-je ? Il n'y a jamais d'arrêt à un texte. Quand on essaye de voir d'où vient un texte, alors les positivistes de la science littéraire de type Lansonien arrêtaient l'origine du texte, non seulement à son auteur, mais disons aux influences que cet auteur avait subies. C'était le problème des sources. Le problème des sources n'est pas sans rapport avec le problème de l'intertextualité, c'est évident. Mais l'intertextualité, c'est un concept beaucoup plus large, un concept aussi qui anonymise les auteurs et qui essaye simplement de concevoir le texte comme une sorte de projection presque à l'infini de différents codes culturels, de textes antérieurs, selon des processus de répétition, de déformation, de transformation, de parodie, de plagiat. Laurent Binet, vous êtes entre autres l'auteur de la septième fonction du langage. Et dans ce roman, vous transformez la mort accidentelle de Barthes en assassinat à la veille de la victoire de Mitterrand en 81. Et vous revisitez toute la scène intellectuelle française de ce début des années 80, puisqu'on y croise Deleuze, Foucault, mais aussi Lacan, BHL ou Solers. Dans ce roman, en partant de la mort de Barthes, vous pulvérisez en fait tout ce qui a fondé toute la théorie du roman en France, dans la seconde moitié du siècle. C'est une question. Alors, je ne sais pas si je pulvérise, c'est-à-dire Deleuze, Lacan, Derrida, Foucault n'étaient pas des romanciers, et donc de toute façon je ne les pulvérise pas, mais ce qui m'intéressait au niveau romanesque, c'était d'interroger, comme je l'avais fait pour HHHH et comme je le fais aussi pour Civilisation, c'est d'interroger les rapports entre la réalité et la fiction, rapports qui sont à la fois problématiques et très féconds. Mais ce qui m'intéresse moi spécialement en tant que ex-prof et en tant qu'intéressé par la théorie, c'est que ce sont des rapports qui ne vont pas de soi et ce sont des rapports conflictuels. C'est-à-dire que ce qui ne m'intéresse pas en fait, c'est le roman réaliste classique. Parce que le roman réaliste fait l'impasse sur ces questions, ces méta-questions, comme si le rapport allait de soi, puisque le principe du roman réaliste, c'est que bon, voilà, c'est une imitation du réel, et le pacte, c'est qu'on ne le questionne pas. C'est-à-dire que voilà, on va vous raconter une histoire, c'est comme la réalité, vous allez croire que c'est réel. Il me semble que ce qui fonde le roman moderne, c'est au contraire justement une réflexivité qui fait que depuis Don Quichotte, au moins hein, depuis Don Quichotte, le roman n'a cessé de s'interroger sur les conditions de son existence et les possibilités de son existence. Et ça, en fait, c'est-à-dire un roman qui ne soit pas un métaroman, c'est-à-dire pour aller vite un roman de type balzacien, ça m'intéresse pas. J'ai essayé, disons, d'être irrespectueux, enfin à la fois amoureux et irrespectueux à l'égard de ce texte. J'ai essayé de le casser, de l'étoiler, comme je l'ai dit, comme on étoile une vitre, et par là même faire entrer et aussi de dissoudre ce texte, dans les langages d'aujourd'hui, comme on étoile une vitre. Dans la septième fonction du langage, j'ai voulu faire... interroger ce rapport réel-fiction à la manière d'un Tarantino, par exemple. On vous raconte une histoire qui est ancrée dans une réalité qui vous est familière, puisque bon, bah, là, c'est celle des années 80, mais enfin, c'est le monde réel des années 80, sauf qu'à certains moments, le roman bifurque et décroche par rapport à cette réalité. Donc, mon point de départ de la septième, c'était transformer un accident en meurtre. Mais ça, c'est pas suffisant pour qu'il y ait décrochage, puisque dans mon hypothèse du meurtre, enfin le meurtre pouvait être, une version ignorée du grand public, mais c'est-à-dire il n'y a pas de changement, c'est-à-dire Barthes meurt dans les mêmes conditions que dans la réalité, écrasé par une camionnette de blanchisserie. Mais progressivement, le décrochage va s'accuser jusqu'au moment où, par exemple, je vais tuer Derrida en 1981. J'ouvre une porte. Pour certains, l'avenir du roman serait là. Littérature documentaire, non-fiction novel, ou roman non-fictionnel en français. Il s'agit d'un genre qui existe depuis longtemps. En 1722, Daniel Defoe s'attaquait au journal de l'année de la peste, en écumant les archives et les statistiques des paroisses de l'époque. Plus récemment, en 66, celui qu'on considère comme le pape du genre, Truman Capote, publiait de sang-froid. Le récit documenté d'un quadruple meurtre, après une longue enquête au cours de laquelle il était allé interviewer les coupables de leur prison. De la grande histoire aux faits divers, sous forme de récits, d'autofiction ou de romans, le réel fait son retour dans la littérature, avec sa cohorte de questions, de polémiques et de procès aussi. Oui, on peut même remonter à l'année précédente, autour de l'affaire Maznev, pour voir comment, en fait, depuis un certain nombre de mois ou voire d'années, les polémiques qui concernent la littérature se cristallisent autour du rapport entre littérature et réel. Puisqu'au fond, l'affaire Maznev, qui a été déclenchée par la parution du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, elle posait entre autres questions, pas seulement, mais aussi la question de savoir pourquoi on avait si mal lu le texte de Maznev, puisque au fond, beaucoup de lecteurs reconnus, par exemple quelqu'un comme Becbédé, qui a fait partie d'un comité qui avait couronné Maznev d'un prix, a expliqué, une fois que l'affaire a éclaté, qu'il avait toujours cru que Maznev était un mythomane qui se glorifiait de faits qu'il n'avait pas commis. La question donc autour de l'affaire Maznev, c'était pas tant de savoir comment un homme avait pu commettre des crimes aussi affreux, qui sont relativement, malheureusement, communs. On le découvre de plus en plus. C'était pas tant de savoir comment un homme avait pu commettre des crimes aussi affreux et s'en vanter en l'écrivant dans des livres. Au fond, ça n'est là qu'une déclinaison de sa perversion. La question que ça soulevait, c'était aussi de savoir, mais comment se faisait-il qu'on ait lu ces livres en ne les prenant pas au sérieux, en ne pensant pas que ça racontait quelque chose de la réalité de Maznev. Et à cet égard, du point de vue de la théorie littéraire, ça soulève un point qui est intéressant, qui est que très longtemps, on nous a appris en France à lire les textes indépendamment de la question de la référence. Ce dont on a hérité, pour le dire très grossièrement, des années 60, du structuralisme en France, c'est que la littérature, ça parle de littérature, que la question de savoir où est le réel n'a pas lieu d'être. Donc toutes les interprétations qui aborderaient une narration comme histoire de faits réels sont a priori disqualifiées. Tout est langage, et donc la question de la référence, de savoir à quoi ça renvoie, n'a pas de pertinence. Et on peut se dire que c'est un des éléments qui permet d'expliquer, il y a d'autres considérations, bien sûr, des considérations morales, etc., mais il y a aussi cet enjeu de la lecture, du fait qu'on a longtemps lu les textes, on nous a appris, en tout cas moi-même j'ai été formée dans ce modèle-là, on m'a appris à lire un texte, en le détachant de la question du réel. Quand je le renvoyais au réel comme apprentie lectrice, on me disait tout de suite, attention, tu fais de la psychologie, attention. C'est une chose du reste que racontent même les théoriciens de la littérature aujourd'hui. Quelqu'un comme Hélène Merlin-Cageman dans Lire dans la gueule du loup raconte bien comment une de ses collègues ou une de ses doctorantes, je sais plus, lui explique qu'on lui a bien appris que si quand on lisait dans un texte il ouvrit la porte, elle voit une porte, et ben elle lit mal. Voilà. Donc il faut pas penser renvoi au référent. Bah oui, mais du coup, si on pense pas renvoi au référent, bah on lit des histoires d'un affreux pédophile qui se vante de tout ce qu'il a fait sur des tas de petits-enfants, et on dit « Ah, c'est de la littérature, comme c'est intéressant ». Donc on voit bien que là, la question du réel fait retour, fait violemment retour dans la question de nos lectures, de notre rapport au texte. Pour le dire, je peux le reformuler de façon assez massive comme ça à l'aide de Gérard Genette, qui a été un des grands théoriciens de la littérature des années 60-70, et qui avait cette formule assez provocante qui disait « On avait assez longtemps regardé la littérature comme un message sans code pour qu'il devint nécessaire de la regarder un instant comme un code sans message. » Bon, bah alors, si c'est la littérature, il faut la regarder comme un code sans message, bah alors, peu importe de savoir ce que ça a fait, ce que ça produit. Voilà, le réel et la vérité sont évidemment deux choses différentes, mais les faits ne sont pas plus le réel Tiphaine, que les récits, que même par certains aspects, les mythes. Et la question, c'est savoir comment une société se raconte elle-même, en réalité. Il se trouve que notre société contemporaine, manifestement, dans les formes littéraires qu'elle déploie, pense se raconter mieux par les faits que par les narrations, que par les récits fictifs ou que par les mythes. On sait que dans les civilisations de l'Antiquité se sont davantage racontées par les mythes, mais est-ce qu'elles se sont moins bien racontées ? Certainement pas. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une croyance de penser qu'on est plus près du réel parce que l'on est dans les faits. C'est un mode de notre culture que de penser cela. Pour moi, ça relève d'une croyance culturelle, d'un certain état de la culture, et qui passe par un certain désaveu du roman aussi. Il y a quand même beaucoup d'écrivains parmi celles et les autrices et les auteurs que je préfère aujourd'hui, mettons en France, pour se situer un tout petit peu, qui ont totalement abandonné l'appellation roman pour leurs œuvres. Annie Ernaux n'a jamais écrit le moindre roman. Pierre Michon n'écrit pas vraiment de roman. Enfin, Pascal Quignard n'écrit pas de roman. Et toute la littérature d'enquête, c'est une littérature qui, justement, essaye de penser une forme littéraire qui puisse aller avec cette question d'actualité ou qui puisse peut-être renouveler le rapport de la littérature au réel, mais qui abandonne d'une certaine façon le roman. Donc c'est pour moi c'est un signe assez exemplaire de cela. Ça s'inscrit toujours dans ce qu'on appelle la littérature. Il peut y avoir des formes qui flirtent avec la fiction. Je pense que la fiction reste une donnée absolument centrale de notre époque. Elle est même non seulement brûlante, urgente, mais elle recouvre tout, elle fait écran à tout. Mais le roman n'est plus le genre majeur de la fiction, selon moi, alors qu'il l'a été. Mais aujourd'hui, la fiction a largement débordé le roman. Annie Ernaux, quelle est la part d'autobiographie dans les armoires vides ? Elle est très grande, bien sûr. Je crois d'ailleurs que pour un premier roman, c'est l'habitude. D'autre part, l'autobiographie, je pense que c'est un faux problème. D'autant plus que pour moi, ce n'était pas de raconter ma vie qui m'intéressait. Je pense que ce qui était plus important, c'était de montrer ce qui arrive à une enfant et à une fille qui est issue d'un milieu populaire quand elle veut accéder à la culture. Et là, je pense que ça déborde très largement l'autobiographie. Je pense que c'est un problème général. C'est le fait que l'enfant de milieu populaire se trouve d'un seul coup transplanté dans une culture qui n'est pas la sienne, avec laquelle il n'a aucun point commun, et qui de ce fait cause de très graves problèmes. Il se trouve pris entre son milieu familial, qu'il se met à détester parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il lit dans les livres, et d'autre part un monde idéal qui lui est livré par la culture et qu'il ne peut pas atteindre facilement parce qu'il est nettement défavorisé. C'est l'histoire d'une prise de conscience. Est-ce que vous considérez ce phénomène comme quelque chose de moderne ? La prise de conscience, oui, je pense que c'est un phénomène vraiment actuel. Mais là, la prise de conscience, elle est très aidée. C'est voulu par le fait que la jeune fille fait cette prise de conscience au moment d'un avortement. Pour une femme, c'est très souvent l'occasion de remettre beaucoup de choses en question, y compris la société. Qu'est-ce qui incite à écrire un livre, un premier livre sur un thème pareil ? La révolte, beaucoup. Alors, Annie Ernaux et Houellebecq, on est dans deux traditions très très différentes. Annie Ernaux, elle a commencé par écrire un roman. Marie-Jeanne Zenetti. Son premier livre était un roman. Et puis, son succès littéraire est arrivé à partir du moment où elle a abandonné l'étiquette roman. Donc elle le dit très très clairement, elle n'écrit plus de roman, notamment à partir de La Place, donc un récit qu'elle écrit sur son père et puis sur sa vie d'épicier dans une petite ville normande. Et tout son engagement littéraire, parce que je pense que c'est vraiment une littérature engagée avec une dimension politique, vise justement à donner de la place en littérature à des objets, des catégories de personnes qui, à ses yeux, n'en avaient pas ou n'en avaient pas assez. Donc là, on est vraiment dans la revendication d'une littérature du réel qui rejette aussi la fiction, la tradition romanesque aussi comme quelque chose possiblement d'un peu bourgeois. Il y a aussi quelque chose d'une conscience de classe hein, qui est très très importante chez Ernaux. Et ses débuts romanesques se font sous le signe du nouveau roman dont elle s'éloigne ensuite aussi pour des raisons politiques. C'est pas bien de parler de soi. Le monstre. Serge Dubrovski. Je parlerai que de moi. Tu t'écoutes trop, je serai sans arrêt à mon écoute. Toi tu coupes les cheveux en quatre, je me disséquerai en huit. Éclate. Dis donc, t'es un rien cochon quand tu fais pipi dans le jardin, on pourrait te voir. Quand on s'exhibe, on est exhibitionniste. Et là, t'as oublié de fermer ta braguette, elle rit. Tu veux montrer ta petite boutique ? Je dis, j'ai rien à cacher. Je la dégoûte. Tu penses qu'à ça ? C'est vrai. Ma virilité m'inquiète. Ma bite m'habite. Je suis obsédée sexuelle. Mon coco Il y a des choses qui se disent pas. Livre vrai. C'est un livre lucide. Faut voir les choses. Dire les choses comme elles sont. C'est dire ce qui peut pas se dire. Montrer, monstre, ce qu'on doit pas voir. Tu fais le contraire de tout le monde. Douceur, discrétion, pitié, pudeur. Ma mère a les vertus modèles. Moi, je suis dur, indifférent. Je me gobe, je m'étale. J'ai les défauts de ses qualités. Quand j'écrirai dans mon livre, les défauts de ses qualités deviendront les qualités de ses défauts. Toi alors, t'es drôlement construit. Mes vices de construction seront la charpente de mon livre. Alors, l'autofiction, c'est un genre qui est extrêmement intéressant depuis sa théorisation par Dobrowski. Il a connu des heures de gloire, et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a moins d'écrivains qui se revendiquent de cette étiquette-là, autofictionnel. Mais précisément, ce qui me semble intéressant dans l'autofiction, c'est qu'il revendique l'entre-deux. Donc, à la fois de s'inscrire au sens large du côté des écritures de soi, donc, qui sont un pan des écritures du réel, hein, les écritures autobiographiques, et à la fois de problématiser ce réel comme n'étant jamais directement accessible. On ne peut jamais simplement le transcrire, le photographier, en produire un enregistrement, en produire une mise en récit simple qu'on est obligé, à partir du moment où on écrit, et plus encore à partir du moment où on écrit sur soi, d'inventer, de fictionner, de fabuler. Et ça, c'est présent dans le pacte autofictionnel. Et il me semble qu'il y a un nombre extrêmement important d'écrivains aujourd'hui qui joue de cet entre-deux, même s'ils ne revendiquent pas l'étiquette d'autofiction. Tout simplement parce que se prémunir d'absolument tout détail fictionnel, c'est quasiment impossible. Enfin, ça demande des procédures extrêmement complexes, et en général, c'est pas ça qu'on demande à un écrivain. Et puis parce qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement stimulant dans le fait d'extrêmement enthousiasmant à s'engouffrer dans le réel, à faire effraction dans le réel et en même temps à le transformer, à jouer de cet entre-deux-là. Donc il y a des écrivains comme Chloé Delhomme ou Camille Laurence qui revendiquent encore l'étiquette d'autofiction, mais pour moi, beaucoup d'écrivains contemporains qui s'en défendent, comme Carrère par exemple, relèvent aussi de l'autofiction en tant que c'est une manière d'interroger justement ce qui se passe du réel à partir du moment où on essaye de le mettre en écriture. Et ce qui se passe, c'est qu'il est transformé. Et puis il y a des enjeux qui sont éditoriaux et économiques aussi. J'ai souvent entendu des écrivains dire qu'ils voulaient pas de la mention roman sur leur livre, mais que leur éditeur avait insisté. Parce que notamment, pour certains prix, c'est important que ce soit pour pouvoir concourir à certains prix, il faut que la mention roman apparaisse. Une des raisons pour laquelle on a parlé de yoga de Carrère, c'était cette raison-là, où il disait qu'il avait rajouté un petit peu de fiction à certains moments, et on a dit que c'était un appel du pied pour le Goncourt, par exemple. Donc il y a aussi ces enjeux-là, qui sont très différents selon les contextes, parce que, par exemple, aux États-Unis, dans d'autres pays, il y a vraiment des prix très très importants qui sont attribués à la non-fiction. C'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer. Une histoire, quand on la raconte, il faut créer un suspense. Fils de Serge Dobrowski. Pour ça qu'on lui prête attention. On doit entretenir l'attente, tenir le lecteur en haleine. Est-ce donc qui va se passer? Comment ça va se terminer? À cet égard, une autobiographie est encore plus truquée qu'un roman. Un roman, on peut concevoir qu'on l'invente à mesure, que l'auteur ignore ce qui va arriver au chapitre d'après, la suite au prochain numéro. Lorsqu'on relate son existence, la suite, par définition, on la connaît. Plus que du pseudo-imprévu, des attentes qu'on trouvait, des hasards refabriqués de toutes pièces. Même en voulant dire vrai, on écrit faux. On lit faux. Folie. Une vie réelle passée se présente comme une vie fictive future. Et raconter sa vie, c'est toujours le monde à l'envers. Juliette Jost. Oui, il y a une sorte de... Il y a un goût pour le réel qui est de plus en plus net, c'est certain. Après, la concurrence entre récit et littérature, Il faudrait remonter à l'autofiction, à Dubrovski, à Christine Angot, pour réfléchir sur ces frontières qui sont complexes. Vraiment, et l'imbrication, elle est très étroite, et parfois la frontière, parfois il y a des livres sur lesquels on ne met pas de mention, et puis beaucoup de monde considère que c'est des romans, parfois d'autres, des récits sont considérés comme des romans. C'est très incertain. Pour moi, la question, c'est littérature ou pas littérature. Qu'est-ce qui fait qu'un texte fait littérature ou pas? Qu'est-ce qui fait que moi, je reçois, là, aujourd'hui, je reçois 2 manuscrits sur 3, je reçois soit c'est sur les questions de violence sexuelle, d'inceste, vraiment 2 sur 3. Et dans la plupart des cas, c'est quand j'étais petit, j'étais maltraité. Ça, c'est pas de la littérature, tout simplement. Alors après, c'est pas forcément facile d'expliquer aux auteurs la frontière. Et puis la frontière, là aussi, elle se fait presque à l'oreille. Enfin, elle se fait sur plein de critères. Et parfois, des critères qui sont effectivement, on peut juger que c'est des critères de notoriété qui sont biaisés. Mais pour moi, la question, elle est pas tellement de la concurrence entre récit et fiction. Elle serait plutôt parfois de la concurrence entre littérature et non-littérature et une certaine confusion entre ce qui peut être littéraire et ce qui peut ne pas l'être. Mais voilà, le réel a toujours imprégné la littérature. Hein. Voilà, Zola, il travaille avec le réel autrement, mais il travaille avec le réel aussi. Je pense qu'il y a un souci du réel qui, à mon avis, touche moins à une vénération du réel, du vrai, qu'à une inquiétude. Marie-Jeanne Zenetti. Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un, qui soit journaliste, politicien ou écrivain, qui nous dit « je vais vous dire la vérité » et toute la vérité. Jusqu'où est-ce que ce pacte tient? Qu'est-ce que ce pacte, quand il est rompu ou quand on joue avec lui, fragilise dans notre conception du réel ou de la vérité? Un exemple qui me paraît frappant, c'est celui de Patrick Modiano. Patrick Modiano, autre prix Nobel, autre grand romancier qui a écrit beaucoup de romans, et qui, un jour, était tombé sur cette petite annonce relatant la disparition d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Et à partir de cette annonce, il avait d'abord écrit un roman, il avait inventé une histoire, c'est un livre qui s'appelle Voyage de noces. Et puis quelques années après, il présente un livre comme un repentir par rapport à ce premier roman, qui est une sorte d'enquête sur les traces de Dora Bruder, cette jeune fille. Et donc, il raconte les quelques éléments qu'il peut reconstituer à partir de sur l'existence de cette jeune femme, donc qui effectivement avait fugué et qui était juive et qui a été ensuite déportée, et donc qui a doublement disparu en quelque sorte. Et ce que ne dit pas Patrick Modiano, c'est que dans son enquête sur les traces de cette jeune fille, il a été énormément aidé par le juriste et historien Serge Klarsfeld, qui lui a donné la plupart des informations dont il a pu disposer sur Dora Bruder, et notamment sa photographie qui figure aujourd'hui sur l'édition de poche. Et l'historien Klarsfeld c'était un petit peu a été froissé au moment de la parution du livre. Leur correspondance est parue entre temps. Bien sûr que Modiano, en tant que romancier, avait tout à fait le droit, pour des raisons d'économie narrative, de faire disparaître la figure des adjuvants, mais pour un historien, cette manière de prétendre dire la vérité de Dora Bruder en effaçant en quelque sorte ses propres traces d'enquêteur, ou en les gommant, en construisant un autre personnage qui est un double de soi-même, était très difficile à accepter. Et il me semble que ça, ces conceptions différentes, non seulement de la vérité, mais des procédures par lesquelles on arrive à établir les faits, à construire la vérité, à invalider certains récits ou à en défendre d'autres, qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est journaliste, historien, écrivain, explique un certain nombre de polémiques. Toute la question, c'est d'avoir conscience du fait que écrire un texte de création et littérature, c'est pas recracher de la prose quotidienne. Voilà, c'est justement, quelle que soit la difficulté autour, se l'approprier et en faire autre chose. Alors, je trouve qu'il y a un auteur qui est assez emblématique et c'est intéressant. C'est Emmanuel Carrère. J'ai l'impression, écrivant des choses, enfin, parce que c'est un livre qui semble aborder des choses assez disparates, si vous voulez, aussi bien une espèce de livre sur mon expérience d'une trentaine d'années du yoga, que le récit d'une lourde dépression, que le récit d'un séjour auprès du hotspot de l'Héros et de jeunes migrants. Tout ça fait, ça fait une espèce de quelque chose qui pourrait être assez... oui, assez disparate, et qui, je pense, est tout de même unifiée par cette espèce de désir, au fond, de s'adresser à quelqu'un, de s'adresser au lecteur comme à un ami à qui on raconte quelque chose qu'on a vécu. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais être capable de faire, au fond, des livres qui soient comme une espèce de conversation amicale, et où le lecteur ne soit pas passif, soit une sorte de partenaire qui se dit, ah oui, tiens, moi aussi, et ah oui, tiens, lui aussi, voilà, j'aspire à ça. Emmanuel Carrère, il commence assez post-Philippe K. Dick, hein, puisqu'il a aussi fait une biographie de Philippe K. Dick, donc dans la fiction, dans le roman. Il commence par faire du roman. Et puis éclate l'affaire Jean-Claude Roman. Donc ce fait divers, dont on se souvient parce que justement son livre après a été adapté au cinéma, donc c'est souvent comme ça qu'on le connaît. Donc cet homme qui assassine sa femme, ses deux enfants, ses parents et son chien, et met le feu à sa baraque, enfin est sauvé, bon, bref. Et on découvre à ce moment-là qu'en fait, il avait menti toute sa vie, qu'il n'a jamais fait son diplôme de médecine, qu'il n'a jamais travaillé à l'OMS, et que, bon, voilà, une espèce d'histoire comme ça, terrifiante. Donc, il lui tombe dessus, qui le fascine complètement. Il écrit à Roman à sa prison. Roman lui répond jamais. Et là, il fait un autre roman qui s'appelle La classe de neige, qui est une histoire assez affreuse aussi. Si je me souviens bien du point de vue, enfin, on est vraiment dans le regard de l'enfant. Il y a un truc super bizarre qui se passe. On comprend qu'il y a un problème, il y a un meurtrier. Enfin, c'est assez malsain, assez glauque, c'est assez dur. Et ce roman-là marche mieux que les précédents. Enfin, c'était le début de carrière de Carrère, et voilà, je crois même qu'il y a une adaptation. On en parle plus. Et là, badaboum, du coup, Jean-Claude Roman lui répond. je crois que oui, la visiteuse de prison de Roman lui offre. Et là, Jean-Claude Roman écrit à Carrère. Vous avez écrit l'ambiance de mon enfance. Et c'est vrai que y a ces mêmes paysages de neige. Enfin voilà, donc peut-être il y a eu cette espèce d'influence déjà de cet univers. Et donc il échange avec Carrère, et c'est là que Carrère écrit L'Adversaire. Et donc dans son œuvre, L'Adversaire fait vraiment la bascule entre la fiction et tous les ouvrages qui suivent, qui sont toujours, voilà, qu'on pense à Limonov, D'autres vies que la mienne, à Roman russe, Le Royaume, et Le Dernier Yoga, enfin, il y en a, je vais en rater quelques-uns, tous en prise avec le réel, avec aussi une présence de l'individu écrivant Emmanuel Carrère, qui est mis aussi en scène en tant que regard et que geste écrivant dans les livres. Donc voilà, lui, il est assez emblématique de ce moment de bascule, où d'un coup, voilà, ça change et on change de champ. Après, il y a un autre pan qui est, au fond, ce rapport entre littérature et réalité se pense aussi sous forme d'une attention à l'auteur. Et à cet égard, évidemment, Lise Pageman. Notre régime médiatique contemporain n'est pas indifférent, parce que on s'intéresse souvent plus à qui parle, qu'à ce qu'il raconte. C'est très clair, par exemple, ce qui est arrivé à Chloé Delhomme, par exemple, qui a reçu le prix Médicis cet automne pour Le cœur synthétique. Je pense que Le cœur synthétique est un livre qui aurait pu être écrit indépendamment du courant MeToo. Néanmoins, il y a un petit écho dans la culpabilité de l'héroïne. C'est-à-dire que l'héroïne est féministe, donc elle se veut dégager de l'injonction et du regard des hommes, mais elle se retrouve en étant dans la solitude, en détresse et avec une forme de grande culpabilité qui est « je me sens incomplète sans homme, or je suis autonome, je suis féministe » et donc tout ça est très très très difficile à gérer. J'ai essayé de montrer que l'héroïne était empêtrée dans des contradictions comme beaucoup de femmes hétérosexuelles de nos jours en fait. C'est-à-dire que l'hétérosexualité, pour une féministe, est un peu une malédiction, il faut bien le dire. Donc elle est empêtrée là-dedans. Elle est empêtrée dans la recherche d'une forme de prince charmant qu'elle idéalise, parce qu'il y a un côté parodie de Bridget Jones dans le roman. On est vraiment sur un détournement de la chick lit, donc cette littérature un peu à l'eau de rose pour les dadames. et les jeunes filles. Et en même temps, elle est assez peu lucide, en fait. La voix de la raison, c'est ses amis qui vont la porter. Mais à chaque fois qu'elle est confrontée à une situation amoureuse ou d'ordre du désir, ça donne lieu à une inévitable catastrophe. Ensemble. Je regardais Juliette. Visiblement, Chloé Delorme, quand on l'invite sur les plateaux de télévision et de radio, c'est moins pour parler de la composition de son livre, moins pour parler d'écriture, que pour parler de ce qu'elle est. Une femme célibataire qui approche de la cinquantaine. Donc parler de ce qu'elle est comme femme. Hein. Donc au fond, là, c'est ce que montrent les études de médiologie qui expliquent le succès des autofictions ou des livres de type autofictionnel qui demandent, au fond, on demande aujourd'hui à l'écrivain d'incarner dans l'espace médiatique quelque chose de ses textes, comme s'il faisait corps avec ce qu'il racontait. On fournit une espèce de storytelling pour les journalistes, quoi. Bon. Après, ça, c'est une vision un peu triste, mais au fond, on peut se dire que la question de savoir qui parle réellement, c'est pas une question indifférente non plus politiquement, il faut pas le voir seulement en mauvaise part. C'est important de savoir, par exemple, que l'auteur d'un texte est une femme noire, qu'elle écrit depuis un savoir situé, et que ce savoir, ben, ça n'est pas le même que celui d'un homme blanc. C'est par exemple ce que va revendiquer quelqu'un, pour prendre un texte récent, quelqu'un comme Bernardine Evaristo, donc écrivaine anglaise, qui a reçu le Booker Prize pour filles, femmes, autres, l'année dernière. Et donc, là, la question de l'incarnation, de savoir qui parle, n'est pas du tout indifférente. En revanche, ce qui est quand même frappant, c'est aujourd'hui notre appétit pour la littérature documentaire ou pour la littérature testimoniale, type Le consentement de Vanessa Springora ou La Familia Grande de Camille Kouchner, donc des textes qui supposent un écrivain qui nous dit d'où il parle, qui peut pas s'abriter trop facilement derrière la distinction entre auteur et narrateur et qui renvoie à un réel qui nous dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. On sait bien que la fiction peut produire un discours pertinent sur le réel, ça y est, on le sait depuis un moment quand même. Mais le problème, c'est quand le roman nous dit quelque chose de trompeur, enfin, on est induit, disons, en erreur, au fond, la force et la faiblesse de la littérature, c'est qu'elle tient un discours infalsifiable. On ne peut pas l'accuser de mensonge, on sait bien, c'est la force de la fiction d'être dans un lieu incertain. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'elle est à même de produire comme vérité? Et au fond, je crois que c'est avec ça qu'on se débat en ce moment. Alors, ça a toujours été un topos de la littérature, hein, de dire « l'histoire que je vous raconte est vraie ». J'ai trouvé un manuscrit dans une malle et tout est vrai. Il y a aussi eu toujours un souci des écrivains de parler des problèmes de leur temps, Marie-Jeanne Zenetti, de l'histoire de leur époque. Ce qui me paraît flagrant dans la littérature contemporaine, c'est la manière dont elle met en scène les différents procédés, les différentes techniques, les différents outils qui permettent d'accéder à ce réel et éventuellement de le reconstituer et de l'interroger. Si vous regardez dans le roman du 19e siècle, quelqu'un comme Zola, il menait des enquêtes, il utilisait des sources, il se renseignait énormément, il utilisait énormément de documentation, mais la documentation, à la fin, elle disparaissait du livre final. Vous lisez La Bête humaine, voilà, vous lisez un roman. Vous n'avez pas accès à tout ce travail fait par Zola. Et puis, au XXe siècle, depuis au moins la période surréaliste, avec les collages de gens comme Aragon, on a des documents qui se retrouvent exposés dans le roman, dans la fiction, qui viennent interrompre la lecture. On a des photographies, on a des tickets de métro qui vont être collés, on a des retranscriptions de documents administratifs, d'archives. Et donc, en plus de se nourrir de documentation pour parler de certains faits sociaux ou de certains faits historiques, il y a une insistance très très nette dans un très grand nombre de romans et de récits contemporains sur les processus d'écriture et de documentation qui permettent de, d'avoir accès à ce réel-là. Et ça, il me semble que c'est vraiment une différence majeure. Roland Barthes, il parlait de, à propos du roman réaliste, d'effet de réel. Et l'effet de réel, chez lui, ça désigne ces petits détails qu'on trouve dans les descriptions réalistes, un petit baromètre chez Flaubert, une petite porte chez Michelet, qui, a priori, ne veulent rien dire dans la description, qui n'apportent aucun élément à l'intrigue, et qui ont l'air insignifiants. Alors, Barthes, à ce moment-là, on est en 68, il est en pleine période structuraliste, et l'insignifiant est scandaleux, donc il faut leur trouver une fonction. Et l'idée qu'il va développer, c'est que ces détails ont bien une fonction, ils font réel. Ils nous disent, justement, la description produit un effet de réel, parce que justement, le réel, c'est ce qui échappe à la signification, ce qui est en trop par rapport au sens. Alors que, si on regarde dans les récits contemporains dont on parle, les documents, les photographies, les pièces d'archives, elles fonctionnent pas exactement de la même manière. Ils disent aussi, tous ces éléments documentaires, on a été prélevés dans le réel. Mais la différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'imiter certains détails du réel par le biais d'écriture. La photo, elle a été produite par une technique d'enregistrement. Et donc, bien sûr, c'est une trace manipulable, hein, mais c'est la trace de quelque chose qui a existé, qui peut être mobilisé en tant que preuve que quelque chose a existé. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler plutôt d'effet de document. Chez des écrivains contemporains comme Zebal, par exemple, ou même Bolaño, ou tous ces écrivains qui utilisent des photographies, des pièces d'archives, il s'agit plus simplement d'imiter le réel par le biais d'un récit, d'une fiction, d'une description, mais aussi de réfléchir aux modalités d'accès au passé. Ah oui. En voulant replacer la révolution surréaliste, Simon fait tomber un numéro du grand jeu. Searle dresse la tête comme un chien d'arrêt. Simon décide de s'éclipser le plus discrètement possible et il zigzague silencieusement dans les rayonnages tandis qu'il entend derrière lui le philosophe du langage ramasser le grand jeu. Il l'imagine flairant la revue. Il se hâte quand il entend des pas remonter sa piste. Il traverse le rayon psychoanalysis. Ah non, mais bon, désolé. c'est bon. Je reprends. Il traverse le rayon psychoanalysis et s'engage dans celui du nouveau roman, mais c'est une impasse. Il se retourne et sursaute en voyant Searle s'avancer vers lui, un coupe-papier dans une main, le grand jeu dans l'autre. Machinalement, il saisit un livre pour se défendre. Le ravissement de l'Olvestein, il n'ira pas bien loin avec ça, se dit-il, il le jette par terre et en saisit un autre. La route des Flandres, c'est mieux. Searle ne lève pas le bras comme dans Psychose, mais Simon a la certitude qu'il va devoir protéger ses organes vitaux de la lame du coupe-papier quand on entend les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Est-ce que vous avez l'impression, Laurent Binet, que vos romans sont inscrits dans ce courant contemporain du retour au réel ? Disons que parmi mes romans, celui qui pourrait postuler à ce titre, c'est HHHH. Et d'une certaine manière, oui, HHHH est conçu comme un documentaire. En fait, c'est une histoire vraie que j'ai voulu raconter comme un roman. Mais comme un roman, le roman n'est pas égal à fiction. C'est une confusion que j'entends en permanence de la part de beaucoup de gens. Littérature n'est pas égale à roman, qui n'est pas égale à fiction. Et donc, les anglo-saxons, ils ont cette catégorie du non-fiction novel. Donc, HHHH, pour moi, est un non-fiction novel. Dans le livre même, à un moment, je m'interroge sur ce que je suis en train de faire et je parle d'infra-roman. Et dans ma tête, infra-roman désigné, donc serait un récit qui se raconte comme un roman en ayant recours à toutes les techniques du roman, sauf une, qui est la fiction, justement, puisque roman et fiction ne se recoupent pas. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, dans la mesure où la problématique d'HHHH, la problématique qui était posée explicitement, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie. Nous, ici, quand on a publié le... Juliette Jost. Le livre d'Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele, pose bien la question où est le roman, est-ce que le roman c'est de la fiction ou pas. Il n'y a pas de fiction dans ce... Si, dans ce livre, il y a un ou deux rêves de Mengele, je crois, qui sont de la pure fiction. Après, c'est une reconstitution aussi exacte que possible, mais évidemment, subjective du réel. Olivier Guèze, à l'origine, c'est un historien et un journaliste. Il travaille de manière extrêmement rigoureuse avec à la fois une documentation littéraire et des voyages et du terrain. Enfin, je l'ai dit et je sais comment il travaille. Hein. Il fait un travail autour et alentour très, très, très long avant d'écrire. Pour ce livre, il s'est très longuement demandé s'il allait écrire à la première, à la troisième personne, quelle forme il allait adopter. Il s'est interrogé d'ailleurs notamment par rapport à la façon d'écrire de Laurent Binet. Bon, finalement, il a adopté un parti pris extrêmement sobre, en réalité, dans lequel presque tout est vrai, voilà, encore une fois, à de rares exceptions près. En même temps, on est du côté du roman et de la littérature, et voilà. Donc, et après, chacun va décider de le placer d'un côté ou de l'autre. Mais c'est surtout un très bon livre. Le cas de Mengele, il y avait, le livre de Daniel Mandelson, Les Disparus, qui est donc de la narrative non-fiction, et quand il a été traduit en France, l'éditrice chez Flammarion, Teresa Crémézy, elle l'a mis du côté de la littérature, et donc c'est bon, alors ça passe, c'est pas un énorme best-seller, enfin ça a été un très très beau succès, beaucoup plus important en France qu'aux États-Unis, parce qu'effectivement elle l'a situé délibérément du côté de la littérature, ce que c'était pleinement, et en France c'est vrai qu'il faut l'étiquette littérature pour passer certains seuils. Après il y a beaucoup de choses vraiment très passionnantes dans ce domaine qui se publient, qui sont en général peut-être des succès moins forts que le roman classique. Mais là, en ce moment, le livre de Florence Aubenas, je crois que ça marche très bien. On est de ce côté-là. Je crois vraiment que les étiquettes récits et romans sont très, très fluctuantes. Que d'un écrivain à l'autre, il peut y avoir aussi des allers et retours. Il y a effectivement le besoin, je pense, d'une prise en charge d'un discours sur le réel par la littérature aujourd'hui. Mais c'est pas, y a pas uniquement le récit peut pas exister seul pour prendre en charge ce type de discours-là. On a aussi des écrivains qui ont produit des récits et qui reviennent à la forme roman aussi parce que quand on enquête sur le réel, on se rend compte parfois que le réel lui-même est tissé de représentations, qu'il est lui-même une espèce de laboratoire de fiction et qu'il grouille de fiction et que parfois c'est la forme romanesque qui est la plus à même d'en explorer la complexité. Donc oui, il y a effectivement une importance accrue du genre récit dans le nombre de parutions, mais je crois pas du tout que ça signifie un déclin du roman, au contraire. Je suis tout à fait confiante en la capacité du roman, y compris de jouer de ces nouveaux usages du récit littéraire et de les intégrer à sa propre fabrique générique, qui est toujours très très proliférante et qui joue de la multiplicité des différents codes. Au fond, je pourrais le dire, le reformuler comme ça, de façon un peu brutale. Lise Pageman. La littérature en France, on l'a longtemps considérée comme étant une espèce de tour d'ivoire, pour des raisons qui ne sont pas seulement théoriques, qui tiennent aussi à des questions sociologiques. Enfin, bon. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que la littérature, c'est une passoire, quoi. C'est-à-dire, c'est plein de... Bah voilà, enfin, d'abord, c'est peut-être pas aussi digne et noble et tout ça, et puis la littérature, ça peut être des choses un peu cheap, des choses un peu pauvres, et ça peut être... voilà, ça aussi, c'est la littérature, des choses un peu pauvres, d'une part, donc c'est pas forcément un bel objet bien emballé, d'une part, et d'autre part, bah, la littérature, c'est plein de trous avec le réel, plein de avec le réel. D'endroits où ça communique, et ça communique de façon un peu étrange. Et parfois, du coup, cette étrangeté, cette incertitude, elle est source d'inquiétude. Et elle est évidemment source d'inquiétude d'autant plus grande que, ça, je ne l'ai pas dit parce que c'est évident, mais il vaut mieux le préciser, parce qu'aujourd'hui, on est très très inquiet. Évidemment, des fake news, des théories complotistes, etc. Donc notre rapport à la fiction littéraire est très inquiet, enfin je trouve, depuis mon petit promontoire de journaliste, mais peut-être que j'en ai une vision biaisée. Mais je trouve que autant notre rapport à la fiction littéraire est inquiet au point qu'on a plutôt de l'appétit pour, encore une fois, de la littérature documentaire, de la littérature testimoniale, autant ça n'affecte pas notre rapport à la fiction cinématographique ou à la fiction sérielle. Et là, il y a quelque chose que j'arrive pas complètement à m'expliquer, enfin, auquel il faut continuer à réfléchir. D'accord, je crois qu'en effet c'est sensible, ça peut s'expliquer, c'est l'hypothèse de David Shields, fait que, avec les moyens de communication modernes, au fond on est de plus en plus déconnecté du réel. Et puis alors aujourd'hui, depuis un an avec le confinement, c'est encore plus, peut-être c'est encore plus vrai, on a très très soif de réel parce qu'au fond on est très isolé. Mais pourquoi c'est si vrai pour notre rapport à ce qu'on lit très soif de réel. Et ça ne l'est pas autant, on continue de se gaver de fiction quand on regarde. Des séries ou qu'on regarde des films, non ? Dans la société qui est la nôtre, je pense que la plupart des gens peuvent vivre sans roman. Tiphaine Samoyo. Sans roman au sens livre de littérature qui a la forme du roman. Dans un sens plus large, tout le monde vit avec du roman. Mais avec les romans, je pense que c'est une forme dont on n'a plus besoin. Dans la société contemporaine, hein, et beaucoup de choses le prouvent, et le fait que cette forme ne se transforme plus est le signe de cela aussi. C'est-à-dire qu'il aurait été supplanté par quoi ? Dans le domaine de la littérature ? Non, il n'a pas été supplanté dans le domaine de la littérature, c'est la littérature qui a été supplantée par le cinéma, par les séries, par toutes sortes de formes bien plus contemporaines qui ont pris tout ce programme narratif, mythologique, imaginaire et formel qui était celui du roman. Un autre élément sans doute qui explique l'épuisement du roman, c'est une forme d'unification du monde ou de simplification du monde autour de la question du présent et de l'actualité. Le roman, c'est une forme qui montre une complexité du monde dans ses particularités locales, qui sont des choses qui peuvent encore exister, si vous voulez, mais comme queue de comète de l'événement qu'a pu être le roman pour la culture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une forme culturelle majeure. Il faut bien se rendre à l'évidence. Hein. Oui, alors, annoncer la mort du roman, c'est un peu comme annoncer la mort de l'auteur, c'est-à-dire qu'on peut... Barthes Laffey, Foucault, évidemment, l'auteur a ressuscité très très rapidement, et le roman, Christine lui aussi, Mercandier. Je crois que ça fait partie plutôt de ces polémiques dont on a besoin de temps en temps pour s'opposer à un certain nombre de choses. Le roman ne risque vraiment pas de mourir. Il peut... changer de forme dominante, peut-être. En ce moment, il est beaucoup du côté du récit et du récit factuel, mais évidemment, il ne mourra pas. Il mute tout le temps, il change tout le temps. Enfin, je crois qu'il a été très attaqué au 18e parce qu'il était amoral, etc. Et en même temps, c'est là qu'il est devenu une forme absolument adaptée au récit des individualités, on va dire, et puis d'une vie bourgeoise, etc. Au 19e, il a aussi beaucoup été attaqué. Hein. En 1857, il y a le procès contre Madame Bovary. Enfin, et pour autant, il est bien sûr toujours là. Le nouveau roman a signé au 20e une forme d'un certain type de roman. Il est revenu et ne mourra pas. Le retour du réel. J'ai lu un livre. Avec les voix de Roland Barthes, Chloé Delhomme, Emmanuel Carrère, Olivier Steiner et Camille Laurence. Qui racontait l'histoire. Avec Marie-Jeanne Zenetti, Tiphaine Samoyo, Laurent Binet, Lise Wajman, Juliette Jost, Christine Mercandier et Laure Limongi. Lecture, Laurent Binet. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Bonne Abolivier. Prise de son Claire Levasseur et Cédric Châtelus. Mixage Philippe Mercher. Le retour du réel, Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. C'est la loi du cœur.